9-9, activation orale, adjectif possessif, personne du pluriel. Transformer selon l'exemple. Vous entendez? 1. Nous avons des sœurs, elles sont mariées. Et vous dites? Nos sœurs sont mariées. Allons-y. 2. Nous avons des frères. Ils sont mariés. Nos frères sont mariés. 3. Nous avons un frère, il est marié. Notre frère est marié. 4. Nous avons une sœur, elle est divorcée. Notre sœur est divorcée. 5. Vous avez un frère? Il est célibataire? Votre frère est célibataire? 6. Vous avez des cousins? Ils sont étudiants? Vos cousins sont étudiants? 7. Vous avez des cousines? Elles sont sympathiques? Vos cousines sont sympathiques? 8. Vous avez un cousin? Il est sympathique? Votre cousin est sympathique? 9. Ils ont un oncle, il est veuf. Leur oncle est veuf. 10. Ils ont une tante, elle est veuve. Leur tante est veuve. 11. Ils ont des frères, ils sont idiots. Leurs frères sont idiots. 12. Elles ont des sœurs, elles sont idiotes. Leurs sœurs sont idiotes.